fois, je m'endors seul, isolé dans le noir. Je revois la scène, un dernier au revoir, un sourire, un clin d'œil. Et tu pars, moi j'y pense chaque soir. J'ai mal mais j'ai pas le choix. Je ne peux que regarder, te laisser filer. Même si tu ne le sais pas, même si tout nous sépare. Je n'avais qu'une envie, moi c'était de t'aimer. Abandonner, être à tes côtés, j'aurais tant aimé. Te prendre la main, je voulais t'emmener. Mais le destin a choisi de nous éloigner. Moi je veux crier, de tout oublier. Prendre le temps, me retrouver. Oui je veux crier, de tout oublier. Mais tu me manques, je peux pas le nier. Rouge à lèvres, ta peau bronzée, ton regard de braise, je ne peux m'en passer. Et ces petits détails ne font que hanter toutes mes nuits. J'aimerais t'en revivre, tellement de choses à offrir. Mais s'il n'y a personne à qui le prouver, j'attends qu'on me délivre, je fais semblant de rire. Mais comme tout le monde, tu ne l'as pas remarqué. Abandonner, être à tes côtés, j'aurais tant aimé. Te prendre la main, je voulais t'emmener. Mais le destin a choisi de nous éloigner. Moi je veux crier, de tout oublier. Prendre le temps, me retrouver. Oui je veux crier, de tout oublier. Mais tu me manques, je peux pas le nier. Être à tes côtés, j'aurais tant aimé. Te prendre la main, je voulais t'emmener. Mais le destin a choisi de nous éloigner. Moi je veux crier, de tout oublier. Prendre le temps, me retrouver. Oui je veux crier, de tout oublier. Mais tu me manques, je peux pas le nier.